Je parle de toi très souvent. Souvent tu me donnes la rime. Et c'est ainsi, donnant, donnant, que je te consacre cet hymne. Tu as la hanche généreuse qui se niche au creux de mon bras. Et j'ose y risquer quelquefois une caresse aventureuse. Ta peau est douce, douce, douce, comme je ne suis pas de bois. Je laisse y promener mes doigts et je te griffe de mon pouce. Ton chant est un enchantement, ta voix qui se mêle à la mienne pour une chanson brésilienne ou une complainte d'antan. Au cœur de ton corps, c'est elle qui te rend si tendre, c'est elle que l'on peut entendre quand tu joues tes plus beaux accords. Puisqu'il faudra que je dévoile cette merveille tôt ou tard, je vous parlais de ma guitare sur cet air un peu médiéval.